Section 110 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 110. Variations sur Paris par Louis Després, chapitre 1. C'est parisien. On m'a dit qu'un écrivain de la presse quotidienne avait entrepris une série d'articles intitulés « Les locutions agaçantes ». Voilà un titre plein d'à-propos et un travailleur qui aura de la besogne. Toutes les classes et tous les états de notre actuelle société ne demandent qu'à lui fournir des sujets. Voudra-t-il bien me faire le plaisir d'admettre dans sa liste la locution qui sert d'entête à cette notice et justement tenue pour exaspérante depuis l'abus qu'on en fait? La première fois, le mot fut essayé dans sa franche acception délimitative par un étranger, probablement. Alors il dut paraître exact, presque point banal, et digne d'être recueilli, mais bientôt il s'est noyé et corrompu dans le ruisseau boulevardier. Ainsi nous ouvrons un journal, et sous la rubrique « Nouvelle théâtrale », nous saute aux yeux cette annonce « Le théâtre de X va donner prochainement » une première à sensation, encore un spécimen de la langue agaçante. Il s'agit d'une comédie en trois actes intitulée « Les raseurs » ou « Les lâcheurs », titre et sujet bien parisien. Évidemment, nous venons d'avoir affaire à un rédacteur de la famille des Bêta, mais la note existe. Il y a sans aucun doute un fait parisien dans cette invasion des argots professionnels à travers le parlier national. Mais en même temps, nul n'ignore que tous les patois et tous les dialectes de toutes nos provinces se sont aussi, par un juste retour, imposés à l'argot parisien et qu'ils ont ensuite, dans un second ricochet, rebondi sur tous les départements. Les étrangers qui remplissent d'habitude les salles de spectacle de Paris n'y goûtent à l'ordinaire, sauf les mélomanes chaque jour plus rares, que la partie basse et triviale des divers argots de l'atelier, du régiment, des coulisses, du café, etc. Et ils se croient parisiens ou à demi lorsque, rentrés chez eux, ils étourdissent leur société de phrases et d'idiomes où le bagne pourrait, quelquefois, réclamer de légitimes droits d'auteur. En ces sortes d'affaires, je ne saurais voir que l'affectation toujours, jamais l'esprit, et moins encore la gaieté, cette gaieté chez nous éclipsée, à laquelle la langue la plus simple et la mieux comprise de tout le monde prêtera toujours l'outil le meilleur et le plus rapide véhicule. Cependant, là n'est point le côté grave d'une question qui n'est pas toute littéraire. L'auteur de ces observations suppose, utile pour être cru, d'ajouter qu'elles émanent d'un homme dont la vie s'est partagée entre Paris et une ville relativement proche de Paris, qu'il a passé 20 années consécutives dans différents quartiers de Paris et que, s'il goûte la province, il aime de cœur Paris. Cette situation n'est point mauvaise, ce nous semble, pour entrevoir la vérité, même pour la dire. On a signalé de tout temps entre Paris et la province un différend grave, lequel au fond est pur malentendu et ne repose que sur des mots. En vérité, n'y a-t-il pas les provinciaux de Paris et les parisiens de province? Je ne sache pas que Daumier, Henri Monnier et Cham soient allés chercher hors de Paris leurs bourgeois obtus à phrases confectionnées, à préjugés héréditaires. Béotiens des Gaules qui retrouvent des congénères dans toutes les villes et tous les villages du pays. Être parisien n'est pas seulement un fait d'état civil et une circonstance géographique, c'est encore un sens. Il suffit, pour y prétendre, d'avoir supporté avec des muscles et des nerfs victorieux les morsures physiques et morales du sel qui est dans l'air de Paris. Par une rencontre bizarre, on regarde comme la forteresse, le sanctum de ce qui est parisien, cette banale et cosmopolite portion du boulevard qui sert d'absintoire à tous les commis voyageurs de l'Europe et à tous ces ennuyés. Nous savons tel habitant du Havre ou de Lille qui passe 10 jours chaque mois à Paris et suit les moindres oscillations du mouvement politique, intellectuel ou financier. Mais l'on connaît aussi nombre de Parisiens qui n'ont jamais été même aussi loin que Fontainebleau, gens dont tout l'horizon se borne à leur comptoir, à leur concierge, à leur chef de bureau, à leur cercle étouffant et jacasseur, à leur maîtresse, à leur huissier. Qu'y a-t-il de spécialement parisien là-dedans? Ce qui vraiment est parisien, ce qu'il faut saluer dans Paris, c'est une admirable synthèse nationale, mais non pas un trait local et distinct du reste de la France. Ce qui est parisien, c'est dans tout ordre de travail, qu'il s'agisse d'une impression, d'une reliure, d'un habit, d'un meuble, d'une serrure, ce goût sobre, cette adaptation juste que l'on y vient chercher de partout. D'où vient cela? Demande chacun. Cela serait-il dans l'air? La cause partielle n'en est-elle pas cet instinct de critique, toujours en éveil, toujours armé, qui, en province, traite seulement des personnes et à Paris guette les talents et discute les ouvrages? Quelle qu'en soit la raison, dans tous les États, on trouve ici des artistes et des artisans supérieurs. À leur défaut, un ensemble, une tradition, une direction qui permet que l'on se repose sur un ordre bien donné. Mais aussi, comme ils écoutent cet ordre et vous forcent de le donner nettement, Paris est net. Ce qui est parisien, c'est l'expression la plus juste de l'esprit français, sobre, ailé, perçant, qui dans certaines conversations devenues trop rares, atteint encore à je ne sais quelle perfection exquise du simple et du précis, inaccessible même à l'écrivain réputé le plus mondain. Parce que le livre et le feuilleton, jusque sous la plume des maîtres, trahit l'inquiétude, appelle les formules, exige les faits. Voilà ce que l'on aurait pu jadis appeler parisien, si le mot avait existé, parce que Paris seul fournissait cet article, ainsi que les comédies vaudevilles, et parce que l'on sentait, avec le danger de prétendre à l'imiter, l'inutilité de tâcher à l'apprendre ailleurs que sur place. Ceux qui s'acclimataient le plus vite à Paris étaient, au commun témoignage, les gens du centre, à cause de leur ressemblance de cerveau et de parole, et pareillement les gens du midi, mais ceci par l'effet de leur différence. C'est, je crois, le marquis de Mirabeau, l'ami des hommes, qui écrivait à Vonargues « Un homme de chez nous est bien vite le patron sur le pavé de Paris ». On a toujours vu ceux du midi, de paroles ardentes et intarissables, amiteux, expressifs et roublards, cachant sous leurs parades frileuses et leurs déclarations au soleil, et sous leurs craques patriotiques, poétiques et autres, un très froid calcul et le flair infaillible de leur intérêt. Rien des brumes sentimentales du Nord, également âpres, mais pas autant lucides que ce délicieux midi. Quel malheur pour tant d'esprit et de verve amusante que la politique, cet assommoir de l'esprit, menace de les éteindre. Plusieurs journaux ont reproduit dernièrement une lettre d'Armand Maras, écrivant de Londres, où l'exil l'avait transplanté, le récit d'une visite à lui, faite par certains Marseillais de ses amis. Cette lettre est un petit chef-d'œuvre digne d'un Sévigné mâle pour la justesse et le coloris. Enfin, et soit dit pour vider cette question incidente, le méridional, en vertu d'une situation peut-être unique dans les domaines de la physiologie, ne saurait être pleinement savouré que par l'homme du midi. Après la période que nous venons de dire, laquelle a vu Paris se contenter d'être sans fracas et sans discussion le régulateur de la mode et du bon vivre, la capitale de l'esprit et du joli parler, il s'accomplit un changement, et dans cet ordre, presque une révolution. Les estaminets de la bohème, les ateliers de peintres, les coulisses et le journalisme des petits et des grands théâtres, le monde de la bourse, c'est-à-dire bientôt la société tout entière, s'enrichirent de quantités d'éléments bizarres. Il s'abattit sur nous une invasion d'Égyptiens, de Moldovalaques, de donc déjà de Juifs tudesques, se faisant passer pour Anglais, de Javanais, de demi-nègres, et même de nègre tout entier, comme la lune de Mascarille, tous parisiens, enivrés de se croire boulevardiers, très dédaigneux envers la province et qui désormais n'ont pu recevoir un soufflet chez Tortoni, un protêt de la part du marchand de chevaux, épouser une vieille garde quelconque, ni voir écraser un matou de la rouille Le Pelletier par l'omnibus de l'Odéon sans s'écrier « Mon Dieu, que cela est donc parisien !» Le chef-d'œuvre du genre nous est fourni par le rédacteur d'une feuille très lue qui, racontant l'autre jour une surprise conjugale, ornait son récit de cette perle. Détail bien parisien. Tandis que l'époux, offensé, montait par un escalier, la femme se sauvait par un autre. Touchons au point grave qui se retrouve toujours sous les airs frivoles. Dans les durs événements de notre récente histoire, il y a eu d'orgueilleux reproches et des récriminations amères échangées entre Paris et la province. Un invisible mauvais génie travaillait, semble-t-il, à nous faire oublier que Paris vit de la province, laquelle en retour est justement fière de Paris, son œuvre, qu'elle admire et qu'elle aime parce qu'elle est belle et que pour tout Français, elle fait partie du bonheur de vivre. Aussi réagissons de toutes nos forces contre de certaines incitations parties du bas journalisme et qui se traduiraient à la fois par des divisions mortelles chez nous et par de joyeuses moqueries chez nos voisins. Il nous souvient que, dans le temps, on fut scandalisé de surprendre, dans certaines feuilles parisiennes, une tendance cruellement stupide à blâmer la province d'encombrer Paris pendant l'exposition. Des rédacteurs sans feu ni lieu ont gémi « Voilà que non seulement nos théâtres, mais nos salons, nos lits et nos tables sont envahis. Oh, les parents et les amis de province !» Comme cela était trop fort, tout le monde a ri, tellement ces rédacteurs-là devaient être qualifiés de familles extraordinaires. Et puis, si jamais l'on a contesté à Paris la grâce et le charme, il est juste de reconnaître à la province l'hospitalité. Par malheur, on a vu de grands génies inaugurer une sorte de parilosaterie intolérante et servile que les nigauds à la suite auraient bientôt rendue odieuse au simple bon sens. Rien n'est parisien qui n'est pas tout français. Rien n'est français entièrement sans être un peu parisien. Les académies, les beaux-arts, les états-majors, le commerce, l'industrie, les salons sont peuplés à Paris des originaires de toutes nos provinces. Les accents normands, périgourdins, provençals résonnent sous tous les toits de Paris et Paris donne à tout ce monde, du membre de l'Institut au garçon de restaurant, de l'écrivain à la bouquetière, sa grâce, son zèle, sa bonne humeur, son intelligence et sa politesse. Paris est une merveille. Qui le niera? Si cette merveille disparaissait, des milliers d'années ne rendraient pas au monde assombri et dépivoté sa pareille ni son égale. C'est à Paris seulement qu'il vaut la peine d'avoir trop d'argent, nous disait un fantaisiste. C'est à Paris seulement qu'une femme connaît sa valeur, disait Napoléon. Paris n'est pas une ville, c'est un monde, disait François Ier. Cependant, nous ne permettrons ni aux intrus ni aux intrigants d'isoler ces sœurs grandes ou petites. Il ne nous convient pas de toucher dans ces aperçus aux grosses questions de politique et de littérature. Nous avons seulement voulu montrer que l'on offense Paris en traitant de parisien ce qui ne le regarde pas du tout. Il n'y a rien de parisien dans le fait du pauvre sot qui se ruine en avant-scène pour des maquillés hors d'âge, ni dans celui de la fastueuse marchande du boulevard Sébastopol qui joue la femme du monde aux tables d'hôtes de Dieppe et d'Étretat. Moralité, rien d'aussi provincial que de dire avec mépris « la province », sinon de dire avec orgueil « c'est parisien ». Fin de la section 110, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en février 2025.